France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode du documentaire sur les skinheads, Philippe Roisès et Delphine Lemaire nous ont fait découvrir le portrait haut en couleur d'un personnage étonnant. Farid, le premier skinhead de France. Une gouaille de banlieue, une voix teintée de souvenirs douloureux et nostalgiques, des silences éloquents. Un personnage attachant qui nous racontait le quartier des Halles avant qu'il ne devienne le forum. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre jeune skinhead. Peut-être un peu plus sombre, peut-être un peu plus écorché encore, mais malgré tout, attachant. C'est aussi l'histoire d'une époque et d'un mouvement. Le tout sur fond de musique, de la oi. Oui, on dit oi, contraction de hey you en argot de l'Est de Londres. Un genre d'interjection du style hey toi, qui veut dire tout simplement salut. Tu vois, en fait, celle-là, elle fait pas trop long. Quand on la fait comme ça, elle fait pas trop long. Alors tu fais ça, tu fais pas de solo, tu fais tes graves, et c'est pas grave. Allez, pour Félus, vengeance personnelle. Skinhead, histoire de jeunesse. Un documentaire de Philippe Roisès, réalisé par Delphine Lemaire. Deuxième partie, Geno, une dérive à la française. La tendance néo-nazie du mouvement skinhead britannique disparaît peu à peu dans les années 90. Quant à la mouvance française, elle prend progressivement cette même coloration des années 80 au milieu des années 90. Peu à peu, des groupes de gauche, parfois communistes libertaires avec les Redskins, ou tout simplement antiracistes, gagnent du terrain. Aujourd'hui, de nombreux skinheads n'ont plus rien à voir avec l'extrême droite. En 1983, j'ai connu Geno, un skinhead dont je fus proche, avant que la politique sépare nos routes. C'est son histoire que je voudrais raconter. Hey, je fais le tombe basse, hein. Si, au début, pour voir comment ça marche à la cassette. J'ai connu Geno, Jean-Christophe, au collège de Mency, une petite ville dans l'Essonne. On avait 13 ans. Arnaud, bassiste de l'Infanterie Sauvage. Génocide, c'est un pote à nous qui l'a surnommé comme ça. Bon, il l'a appelé Génocide, évidemment, parce que Geno, il faisait 1m75, 50 kilos à peine. En fait, Génocide, ça n'a pas duré longtemps, quoi. On l'a appelé Geno quasiment tout de suite, quoi. Il a adopté le look skin. C'est venu petit à petit. C'est parti d'un look punk, le quepon à lunettes. Après, il s'est rasé le crâne, sans aucune arrière-pensée politique ou quoi que ce soit. C'est nous, moi et Félus, qui lui avons rasé la tête pour la première fois. Voilà, on avait 16 ans. Il vivait avec sa mère et sa sœur. Ses parents venaient de divorcer. Elle était assez cool, sa mère, vraiment. Je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit sur son look, sur ses looks. Elle a vraiment accepté, quoi. Elle l'acceptait comme il était, en fait. Je pense qu'elle l'acceptait ses choix, elle acceptait sa manière de vivre, sans aucun reproche, quoi. En fait, elle écoutait beaucoup ses enfants et leur laissait vivre leurs rêves. En fait, je rencontre Geno par le biais des radios libres à l'époque. Tam. Et on se rend compte qu'on est dans une banlieue proche et on sympathise comme ça, en fait. Une petite interruption dans le programme maintenant pour interviewer Génocide. Génocide, tu m'écoutes? Il a un semblant de coupe Iroquois, puis il a des petites lunettes. Je t'explique, je suis chez mes remparts, puis que si je me fais Iroquois, je me fais vider la gueule. Mais bien sûr. Ta gueule, stress. Bon, on va pas celui-là. Attends, j'espère qu'il écoute pas, parce que sinon on va pas venir te chercher tout à l'heure. Ça non, bah, c'est ma mère. Ta maman, là. J'ai un sous-boye. Et c'est quelle année? Ça doit être en 81, 82, juste avant mon entrée au lycée. Il abordait le sujet de son père extrêmement rarement. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de douloureux avec son père, sans doute un sentiment d'abandon. Sa mère était sans doute un peu débordée. Les peu de fois où on la voyait, c'était quand même super, super accueillante, super gentille, un peu comme si on était des gamins normaux, ce qu'on était sûrement d'ailleurs. Ouais, un peu baba cool, post-68. Il y avait un espèce de côté un peu intello, décontracté, pas du tout bourgeois, il n'y avait pas d'argent chez eux, il y avait peu de meubles. Fabrice. Peu de meubles, une belle maison, mais il y avait peu de meubles, on sentait que ça devait être un peu dur. On était toujours reçus dans le garage, puis vu les troupes qu'il y avait, c'était infernal. On se retrouvait vite à entre 20 et 30 personnes chez lui. On commence par tous avec moi, vengeance personnelle. Alors on a formé le groupe, l'infanterie sauvage, en janvier 82. Geno était vraiment la locomotive de tout ça. C'est-à-dire que nous, on avait des rêves, certainement, mais c'est lui qui a pris ça en main, quoi. Donc Geno, lui, voulait se mettre au champ, il y avait donc Félus. Mourad, à toi ! Mourad, c'est vrai qu'on l'a connu en 82. Félus, Geno et moi, on s'est connus en 78, quoi. On était vraiment une bande de potes qui nous aimions. Je pense, on prenait soin les uns des autres, même dans nos conneries, quoi. Si j'avais le mec de demain, on aurait juste un petit matin. On voit les choses que tu vas pas, on sent les mecs que tu ne comprends pas. On rentre dans tes baskets que tu voyais comme Coca-Cola. Nous on se sous la bière et dans la nuit on sait pas pas. Quand tu te rends de, quand tu les vois débrouiller. Quand tu passes la nuit on passe dans toutes les bricoles. C'était oui, une vraie amitié. D'ailleurs, dans le morceau Nuit Blanche, il y a cette phrase assez emblématique de l'époque où c'est dans la nuit, on ne se sépare pas, qui représente bien la solidarité qui pouvait exister entre les membres du groupe, d'une part, mais aussi tous les gens qui gravitaient autour. Alors, on est où ici ? Écoute, là on est sur les bords de Seine à Corbeil, au lieu de simili débauche à l'époque. En fait, comme il n'y avait pas grand chose à faire dans le coin, bah, les week-ends et les soirs on venait se perdre sur les bords de Seine pour boire quelques bières et faire la conversation aux cygnes aussi. Geno, c'était vraiment pas le mec qui se prenait au sérieux, quoi. C'était le blague sur blague, toujours de bonne humeur, toujours prêt à déconner, un bon mot pour tout le monde, le bon camarade, quoi. Et puis un mec super fidèle en amitié, qui te tourne jamais le dos. Pas du tout d'écoute. J'allais pas le voir pour lui dire je vais pas bien, je me suis disputé avec ma chérie ou mon chat est mort ou quoi que ce soit. C'était très très dur de lui arracher 5 minutes d'intimité. Il détestait ça d'ailleurs. Il était très très pudique et fuyant au niveau de l'intimité. Dès qu'il y avait plus de 2 personnes dans une pièce, il était en représentation, donc pas de profondeur. Geno a besoin à l'époque d'être entouré, d'être dans un milieu effectivement un peu clos où il est en pleine confiance et il y a que des gens qui lui ressemblent. Je pense qu'il était en même temps très entouré et en même temps très seul. Par ses textes, c'est lui qui a donné l'identité du groupe L'Infanterie Sauvage. Les paroles de Geno, quoi. Qui s'attaquait à des sujets, voilà, qui s'adresse à la classe ouvrière, la working class. Moi qui étais issu vraiment d'un milieu, voilà, modeste, mes parents étaient gardiens d'immeubles. Avant, mon père travaillait à l'usine, et ma mère était sans emploi. Je sais pas, il avait une sorte, je vais pas dire fascination, c'est quand même trop fort, mais il était intrigué. Sa mère était prof, son père était ingénieur. Il vient d'un milieu pas riche, mais disons, on va dire la classe moyenne. En tout cas, il se sentait bien dans ce milieu de gens peu aisés. Alors le working class hero, comme concept, on ne peut pas dire qu'il était vraiment affilié à ça dans son vrai milieu familial. Pour autant, il a fait tout ce qu'il pouvait, à tort ou à raison, pour s'en extirper. Il s'est pris en arrêtant l'école, en allant bosser à l'usine le soir, la nuit, pour sans doute trouver une espèce de légitimité vis-à-vis du mouvement qu'il voulait à tout prix rejoindre. Enfin, son passage nocturne à l'usine, ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps, parce que je pense que c'est un peu dur. Geno, dans sa tête, il avait pas un père d'origine cambodgienne. Parce qu'il ne parlait jamais de son côté cambodgien. Jamais. Il ne parlait, par contre, toujours de son grand-père maternel, qui était un stit, je crois, de sa grand-mère, de sa tante, de son côté maternel. Pour lui, il était français naturellement, et sans pour autant le revendiquer de façon politique, ça avait une certaine importance pour lui, je pense. Une façon pour lui d'occulter cette filiation cambodgienne en affirmant l'autre côté, le côté français. Il y a un texte qu'il écrit en 83, « J'irai revoir ma Normandie », où il parle de défendre la France. C'est pas impossible qu'il ait joué sur une espèce de corde sensible du patriotisme, surtout vis-à-vis de Mourad en tant qu'Arménien, en lui disant que c'était juste dire « voilà, j'aime mon pays, ça va pas plus loin ». Et puis c'était quand même un peu l'as des pirouettes. Je pense que aucun membre du groupe n'a saisi à l'époque la portée de ce texte, comment il pourrait être récupéré, alors que commençait quand même à poindre le début du nationalisme dans le mouvement skinhead. En 1984, on a commencé à voir le public qui se transformait quoi, petit à petit. Il y avait de plus en plus de skins. On commençait à être mal à l'aise avec ça, ça c'est clair. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais vu, lui, en rajouter, les exciter. Je l'ai même vu, lui, les calmer, leur dire « Ah, les gars, arrêtez !» Viennent se greffer, effectivement, un certain nombre de personnes, pas toujours invitées officiellement, qui, effectivement, font qu'il y a un peu plus de tension, et que c'est un peu plus dur, l'ambiance. Pour le coup, c'est des invités qui eux vivent dans un contexte beaucoup plus dur que le nôtre, et on peut s'autoriser à penser qu'il y avait une certaine fascination de Geno pour ces gens-là. C'était le 9 juin 84, concert de Juvisy-sur-Orge. Ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de skinheads. Il y avait nos potes aussi, toujours, nos potes historiques. Ce jour-là, il y a vraiment eu des débordements, quoi. C'est-à-dire les skins qui ont commencé à taper sur nos potes. Sale ambiance, quoi. C'est d'abord faire un peu régner la terreur dans la salle, parce que c'est eux les plus vieux, les plus durs, hein, les plus habitués à ce genre de rixes et de provocations. Et puis, c'est sans doute des provocations politiques avec quelques bras tendus devant la scène. Les saluts nazis. Salut Nazi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Mourad, qui était vraiment, alors lui, ça lui était déconfit, vient le voir entre deux morceaux et il dit à Geno, putain, tu dis à tes potes de se calmer là, parce que ça va pas le faire. Donc voilà, le morceau commence et ça continue. Et Geno là dit rien, dit pas à ses potes de se calmer. Justement, ce concert a été enregistré. Mourad pose sa gratte et se barre. Nous, on va le voir, qu'est-ce qui se passe? Il fait non, mais là, ça y est, les gars, c'est fini, là. Vous pouvez faire n'importe quoi, moi, c'est fini. Moi, je ne joue plus dans ce groupe. Ça va, c'est fini. Je me barre. Alors, après la séparation du groupe, on s'est quand même un peu perdu de vue. Je dirais un peu, on s'est vraiment perdu de vue. Geno traçait vraiment sa route. Il l'appelait plus. Moi, je l'appelais plus. Donc, ça s'arrête net, quoi, quand même. Hein. Tu l'as en travers. On se voyait plus parce que... on avait pris des chemins, enfin moi je continuais le mien, lui avait pris un chemin radicalement différent. pour autant, ça n'effaçait pas l'amitié qu'on avait eue auparavant. Je n'ignorais rien de ses orientations politiques. Je n'y prenais pas part. Et lui, quand on se croisait, n'en faisait pas une démonstration ostentatoire. Donc, j'avais pas à pardonner, excuser, comprendre ou quoi. On se croisait comme deux potes, entre deux trains, on se serrait la main, tu vas bien. Et ça s'arrêtait là. Et à ce moment-là, on est grosso modo 1985, ça veut dire que vous avez 20 ans. Moi j'en ai un peu moins, mais oui, lui a 20 ans. Le départ à Londres de Geno et la rencontre avec Ian Stewart, c'est probablement le tournant absolu, la reconnaissance qu'il recherchait à tout prix. Alors, Ian Stewart, c'est le chanteur de Screwdriver, qui est un groupe punk à l'origine, et qui devient le groupe emblématique du mouvement skinhead national-socialiste. Néo-nazi. Geno qui devient le skin français intronisé auprès du roi d'une partie des skins anglais. Je l'avais quand même revu entre 84 et 86. Je l'ai vu sans lunettes, il avait des lentilles, il avait des tatouages sur la joue, des tatouages dans le cou, il avait les sourcils rasés et... Il était plus costaud. Je sais qu'il avait toujours un complexe d'infériorité, comme il était très maigre, il avait des lunettes. Ça a toujours été un peu le clown. Le clown, il avait une gueule marrante, quoi. Voilà. En tout cas, il faisait pas peur. J'imagine qu'il lui manquait quelque chose. Peut-être que c'est ça. Il voulait que les gens le respectent physiquement. Voilà. Je savais avec qui il traînait, quoi, ça c'est clair. Pour moi, c'était mon pote d'enfance, comme un frère. Donc, je lui pardonnais. Si j'avais enlevé mes lunettes de fratrie, c'était clair, quoi. Il suffisait de le regarder pour savoir qu'il était devenu comme les autres skinheads de sa nouvelle bande, quoi. Alors Geno, c'est quand même un des tout premiers à s'être tatoué le visage, à avoir affiché Skinhead sur le front. Il affichait clairement ce qu'il ne pouvait pas afficher dans le côté bagarre ou présence physique brutale. C'était pas un violent, je ne sais même pas s'il s'est déjà battu une fois dans sa vie. Alors consciente ou inconsciente, le suicide social de Geno, il était quand même de toute façon déjà pas mal avancé puisqu'il avait quand même une inactivité professionnelle ou scolaire assez marquée. Je suis pas persuadé qu'il ait eu la réflexion de se dire ouais mais si je fais ça je me crame. Il n'y a pas vraiment de début dérive parce que il y a des étapes en fait. Il y a des étapes, il y a des paliers, des marches. S'il y a bien une personne dont on peut dire que il a été le pire ennemi lui-même, c'est Geno. Il fait un nouveau groupe. Mon Dieu. Totenkopf. Ouais. Donc c'est tête de mort en allemand et c'est pas n'importe quelle tête de mort. C'était ce qu'avaient les SS sur leur chapeau, les médailles. Et puis des paroles horribles. Les trucs les plus horribles que tu puisses imaginer, qui prônent suprématie de la race blanche. Des mots dedans comme barbelé, extermination, passage à tabac. Pour moi, l'extrême droite n'a été qu'une folie dans laquelle il s'y est engouffré parce que c'était la chose la plus extrême. Mais il aurait pu s'engouffrer dans autre chose. Des gens de tous bords lui ont dit « Geno, lâche l'affaire, t'es en train de te perdre. » Et des gens d'extrême droite eux-mêmes. J'ai vu Geno se prendre des mornifles, enfin des tartes dans la figure. Il avait plus sa place nulle part. Les derniers mois où je le croisais, il se traînait. Et Geno devenait l'ombre de lui-même, en fait. Plein leader charismatique, il est devenu un peu pathétique. Tout à coup, c'est plus drôle du tout. Ça sentait le flic, les renseignements généraux, Et là, tu commences à avoir des gens qui sont fans d'Arme Blanche, qui te sortent des, dans des soirées où ça devient plus drôle du tout, qui te sortent des couteaux, des choses comme ça. À l'époque, il y a eu des bouffes où il y avait des armes. C'était incroyable. Il y avait des grenades, des fusils de chasse avec des canonciers. On rentre dans un truc qui est plus du tout folklorique. Où j'avais décidé de partager pas ces opinions-là, de pas les suivre là-dedans. Qu'est-ce que tu sais de l'incendie du local du Parti communiste de Livry-Gargan? Ils sont allés plusieurs fois au local du Parti communiste de ce coin-là. Ils y sont allés plusieurs fois. Destruction pour clôturer avec un incendie. On précise quand même, c'est deux nuits et il n'y a personne dedans. Hein. Oui, c'est ce que j'allais préciser, pas de blessés, quoi que ce soit. Et là, ça bascule grave. Au moment où ils ont mis le feu à ce local, Geno n'y était pas. Il était apparemment avachi, sous. Le bébé a été viré avec l'eau du bain, il a plongé avec tous les autres. Je l'ai revu à sa sortie de prison. Il est passé chez moi. Putain, ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Et j'étais vraiment content de le voir, quoi. Et je l'ai trouvé apaisé. Vraiment. Sa manière de parler, son ton. Alors, je sais pas, la prison, ça a dû le secouer. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a dû beaucoup réfléchir à jusqu'où il était allé. Et il me parlait d'avenir. Alors, c'est peut-être la seule fois où il m'a parlé d'avenir, bon, d'avenir proche, hein, bien sûr. Il m'a même parlé de qu'il s'était renseigné pour se faire détatouer sur le visage et le cou, qu'il allait se reprendre et arrêter ses conneries, quoi. Je sais pas s'il avait un double langage, c'est-à-dire qu'avec moi, il me dit ça, peut-être, voilà, pour me rassurer ou je sais pas quoi, et peut-être qu'avec ses potes skin, jamais il parlait de ça, mais en tout cas, double langage ou pas, il m'en a parlé. Donc, alors que je lui demandais rien. Rendez-vous avec Geno à Orléans, au Bourgogne. C'était un bar qui passait du punk à l'époque. C'était un mardi. J'attends tout l'après-midi, on boit des coups, on boit beaucoup de coups. Il n'y a pas. J'ai appris sa mort par Félus, donc le batteur de l'Infanterie Sauvage, qui m'a appelé. Son corps a été retrouvé dans la Loire. Il est mort noyé. On était à un âge où on n'avait pas vu une mort autour de nous. Et vraiment, ça met un coup, quoi. Je repensais à quand on était en quatrième, dans la même classe, à déconner avec les profs, l'infanterie sauvage, les nuits ensemble, les virées ensemble, les rigolades, les centaines de rigolades qu'on a pu avoir ensemble. Putain. T'as les boules, d'ailleurs, sur un truc d'immense gâchis, puis quelle connerie de se noyer. Bon, c'est toujours un gâchis quand t'as un môme de 21 ans qui meurt. On meurt pas à 20 ans. On meurt pas noyé dans la Loire en voulant aller sur une île où il y avait soi-disant une fête, je sais pas quoi, pour faire le beau, enfin. Je crois que c'est au fond, près du carré des enfants. On est sur la tombe de Geno. Malgré des souvenirs un peu confus, il y a un petit peu d'émotion. Ils ont retrouvé le corps assez longtemps après. Voilà, donc je te passe les détails de l'état du corps, a priori. Moi, j'ai appris son décès par un ami de la famille. On pense uniquement à Geno, en fait. On réfléchit pas un seul instant à se dire ouais, on se voyait plus pour telle ou telle raison en fonction des individus. On a du mal à y croire en fait. Je suis venu à l'enterrement, c'était pesant. Pesant parce que on perdait un ami cher. Mais je me souviens de son père qu'on a vu, en tout cas pour ma part, je pense, pour la première fois et qui était extrêmement seul. Démoli et seul. les gestes déplacés, j'ai occulté sans doute une partie de ces souvenirs. Alors, est-ce que j'ai tourné le dos? Est-ce que j'ai pas voulu retenir? Est-ce que je voulais pas me souvenir? Il semblerait qu'effectivement, on ait déposé la guitare de Geno et que un salut nazi ait été effectué autour de la tombe, en comité restreint. Il me semble qu'effectivement, certaines attitudes en présence de la famille et de la détresse de la famille auraient pu être évité. Sans lui qui tire tout le monde là, comme un forcené, je pense que moi j'aurais jamais fait de zik, ça c'est clair, c'est sûr. Et de fil en aiguille, jamais j'aurais bossé dans une boîte de disques. Et là en ce moment, jamais je serais devenu monteur. Quoi. Personnellement, grâce à lui, j'ai pris vraiment confiance en moi. Et c'est des choses que j'oublie pas, quoi. Tu penses, toi, qu'il aurait encore changé, encore évolué, s'il n'était pas décédé si tôt? Bon, j'aime à penser que oui, je pense que c'était de toute façon quelque chose d'assez éphémère. Je pense qu'il a réfléchi à tout ça. 1964-1986, il avait 21 ans, il n'avait pas 22 ans, en fait, quand il est décédé. Oui, c'est un môme. Noël, la sœur de Geno, a refusé d'être interviewée. Mais elle a accepté que je lise le courrier qu'elle m'a envoyé, confirmant ainsi toutes nos suppositions. Jean-Christophe a développé depuis son enfance une certaine violence envers lui-même, une forme d'autonégation, par manque de confiance en lui et par difficulté de communication. Il devait nier sa part asiatique par conflit avec son père, mais aussi parce que celui-ci, par opposition à son propre père, rappelait souvent être français. Après le divorce, il n'y avait plus vraiment de règles à la maison. On était juste financièrement, la maison sentait le vide, l'absence. Il avait besoin des autres, de reconnaissance, d'appartenir à un groupe, d'être quelqu'un, exister, mais il ne savait pas comment. Nous avons été élevés du côté de ma mère, dans une famille avec des valeurs profondément humanistes, égalitaire, altruiste. Ma mère s'est toujours engagée dans des projets humanitaires d'aide et de défense des immigrés et d'alphabétisation. Son soudain parti pris, en parfaite et totale contradiction avec son éducation, n'était forcément que provocation. Jean-Christophe et sa mère étaient vraiment très très liés. Bien qu'il la traitait de tous les noms, il l'adorait. Je peux vous dire que je l'avais moi-même trouvé changé à son retour de prison, plus calme, grandi. Nous avions pu discuter presque en adulte, et j'avais même réussi, avec une pauvre fierté de petite sœur, à lui faire reconnaître l'incohérence ridicule de ses derniers partis pris. Il en avait souri et rougi. Je pense qu'il était en train de changer. Il est mort d'un accident lié à son comportement suicidaire. Je suis profondément persuadé que mon frère n'était dangereux que pour lui-même. Hypersensible, hyper fragile, hyperactif, hyper turbulent, hyper ou rien, hyper semblait son seul choix possible. 31 ans plus tard, mon frère me manque encore, et je pense souvent à qui il serait devenu aujourd'hui. C'était Skinhead de France, histoire de jeunesse. Prise de son Nicolas Mathias, mixage Claire Levasseur, réalisation Delphine Lemaire, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Philippe Roisès. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Krenoun dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. S'il vous plaît, venez désarmer. Mais c'est une autre histoire.